Osmose Radio. Osmose. La web radio. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission d'Entre les Lignes, un petit peu spéciale ce soir et tant mieux, aux manettes Abel le Magnifique et avec moi Stéphane, le brillant animateur de la brillante émission L'Heure du Loup qui va prendre la relève tout de suite après celle-ci. Et ce soir nous faisons à nouveau une émission croisée, Stéphane et moi, et c'est Stéphane qui va nous parler de sa sélection littéraire de ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, brillant, tu m'as grillé là, moi qui essaie de passer pour un gros bourrin à longueur d'émission, voilà. Trop tard, Gaspard. Alors tu nous as concocté un programme quand même qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comme je sais que c'est toi qui vas parler ce soir, je vais te laisser tout de suite le micro pour que tu nous présentes un petit peu tout ça. Alors bah, tu m'as proposé cette série d'émissions croisées, en fait il y a un sacré moment, on avait eu du mal à caler tout ça. T'es venu une première fois dans l'Heure du Loup il y a un petit peu plus d'un mois, c'était le 29 mars, et tu nous avais fait une sélection musicale, et donc là ce soir c'est le match retour. Voilà. Et moi je fais ma sélection littéraire pour ton émission Entre les Lignes. J'espère que ça plaira à tes auditeurs. Alors, j'ai amené des bouquins qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai fait une sélection de 4 livres, peut-être 5, on verra. Donc, des styles qui me conviennent à moi, qui recoupent un petit peu ce dont j'ai l'habitude de vous parler dans L'Heure du Loup, en fait. Donc, des thèmes un petit peu fantastiques, voire un petit peu grivois. Alors, comme les gens me connaissent, certains auditeurs peut-être me connaissent pour animer L'Heure du Loup. Bon, je précise quand même d'entrée que je ne vais mais pas parler... Mais tout le monde te connaît, tout le monde. Je ne vais pas parler... des contes, etc., comme Les Trois Petits Cochons, hein, et Le Grand Méchant Loup. Encore que j'ai bien l'intention de dire que des cochons, c'est, rassurez-vous. Et j'avoue par contre que j'ai hésité à amener Cro-Blanc, histoire de recouper un petit peu les thèmes d'une heure sur l'autre. Et puis bon, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais plus où j'ai mis le bouquin que j'avais quand j'étais petit. Et puis ensuite, parce qu'il y avait j'ai dû faire un choix assez draconien. Mais bon, en une heure, on a quand même le temps de dire des choses. Et je vais commencer avec un bouquin qui a plu sans doute, à beaucoup de monde... un bouquin qui est un petit peu représentatif de l'esprit gaulois, en quelque sorte, en tout cas de l'esprit français. Les Britanniques, pour se foutre de notre gueule, disent que en chaque Français se dissimule un petit Cyrano. Alors, moi, je prends ça comme un compliment, même si c'est les Rosebifs qui disent ça. Ils ont l'habitude de dire des choses plus méchantes en ce qui nous concerne. Un petit Cyrano, ouais, pourquoi pas, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, j'ai vraiment été ébloui par ce texte, Cyrano de Bergerac, écrit par Edmond Rostand, que j'ai découvert, comme beaucoup de monde, grâce au film dans lequel Gérard Depardieu faisait une interprétation absolument magistrale. Je pense que toi aussi, à l'époque, ça t'a... Moi, je ne suis pas une grande fan de Depardieu, mais j'avoue que là, c'est vrai qu'il était brillant, lui aussi. Pas une grande fan de Depardieu ? Non. Même dans ce rôle-là ? Non, je ne suis pas, alors voilà, je le dis publiquement au micro, je ne suis pas fan de Depardieu. Cher Myrmidon, sachez que je m'enorgueille d'un tel appendice, que c'est là proprement parler l'indice d'un homme bon, affable, courtois, libéral même, tel que je suis et tel qui vous est interdit à jamais de vous croire, vous autres au nez désespérément court, n'est-ce pas, Laurence? Non, je dis ça parce qu'effectivement, dans la réalité, j'ai un gros pif. C'est là mon seul point commun avec Cyrano de Bergerac, dont le personnage de roman, le personnage d'imagination créé par Edmond Rostand, se distingue par son appendice nasal démesuré, qui le désespère un petit peu, mais dont il sait faire des vers absolument magnifiques. Hein, la tirade du nez, c'est quelque chose, quand même. C'est absolument mémorable. Que dis-je, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Oui. Gracieux, mais de quoi sert cette oblongue capsule de perchoir à oiseau, enfin, etc., ouais. etc. Enfin bref, on va pas tous vous le faire, à supposer qu'on s'en souvienne, mais c'est absolument magique. Et je vous renvoie évidemment vers ce film dans lequel, même si on n'aime pas Cyrano, faut reconnaître, enfin si on n'aime pas Depardieu, par contre, faut reconnaître qu'il a fait une très très belle interprétation. Nous sommes d'accord. Et alors, après, en creusant un petit peu le sujet, je me suis aperçu il y a une bonne vingtaine d'années, que en fait, le personnage incarné par Depardieu, était un personnage aussi qui avait réellement existé, un petit peu comme D'Artagnan dans l'œuvre de Dumas, a réellement existé. Évidemment, il n'a pas eu connu peut-être toutes les péripéties qu'on lui fait jouer. Maastricht aussi, hein, tu sais, hein, les Trois Mousquetaires à Maastricht, hein, c'est pas forcément l'épisode le plus connu, je t'ai coupé là, mais vas-y, continue. La bataille de Maastricht, oui. c'était un siège dans le cadre des guerres menées par Louis XIV, si j'ai bonne mémoire. Effectivement, il avait fait coup de feu là-bas, et donc le personnage d'Alexandre Dumas, lui, était plutôt contre Milady, contre Richelieu, tout ça. Bref, il se trouve que le Cyrano de Bergerac, celui qui a réellement existé, était aussi un homme assez exceptionnel, qui était lui aussi soldat de Louis XIII, en l'occurrence, à l'époque, et qui avait une belle plume, qui s'intéressait à tout, c'était la période tardive de l'humanisme, on va dire, puisqu'il s'intéressait notamment à un philosophe qui s'appelait Gassendi, qui invitait ses disciples à s'intéresser à tout, c'est-à-dire autant l'astronomie que la littérature, les mathématiques, tout ça, enfin, tous les arts libéraux, comme on les appelait sous la Grèce antique. Et donc, voilà, c'était un petit peu un personnage assez caractéristique de cette époque, qui était à la fois truculent dans sa verve, dans ses histoires, aussi bien ses histoires militaires que ses histoires amoureuses, avec ses copains, etc. Enfin, il nous a laissé aussi quelques écrits, notamment ce qui est considéré, à tort ou à raison, comme un des premiers écrits de science-fiction, tel qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire un récit qui va vers la première planète qui nous est connue, à savoir la Lune. La Lune qui nous intrigue depuis la nuit des temps. Et donc, Cyrano de Bergerac avait écrit à l'époque ce qu'on a appelé une histoire comique des États et empires de la Lune, qui a été publiée par son ami Lebret en 1657, donc quelques années après sa mort. Et c'est vraiment moi qui m'intéresse à la science-fiction, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin d'émission. C'est vrai que ça me permet de boucler une boucle en quelque sorte entre les différentes facettes de mes goûts littéraires, avec ce personnage, donc vraiment très très ancré dans le grand siècle, le 17e siècle, le grand siècle français, celui où qui correspond à l'absolutisme royal, aussi l'époque où la culture française s'impose dans toute l'Europe, etc. Et en même temps, des thèmes très contemporains, comme celui des voyages interstellaires, qui nous préoccupent encore aujourd'hui, puisqu'on parle régulièrement d'aller sur Mars. Voilà, donc je vous propose un extrait, l'introduction en fait de cette histoire écrite par Savinien Cyrano de Bergerac, histoire comique des États et empires de la Lune. Maestro, musica. La Lune était en son plein, le ciel était découvert, et 9h du soir était sonné lorsque, revenant de Clamart, près de Paris, où Monsieur de Cuigny, le fils qui en est seigneur, nous avait régalé plusieurs de mes amis et moi, les diverses pensées que nous donna cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. De sorte que, les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureux, tantôt un autre, persuadé des fables anciennes, s'imaginait que possible Bacchus tenait taverne là-haut, au ciel, et qu'il avait pendu pour enseigne la pleine lune. Tantôt un autre assurait que c'était la platine de Diane qui dresse les rabats d'Apollon. Un autre que ce pouvait bien être le soleil lui-même qui, s'étant au soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde quand il n'y était pas. Et moi, leur dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m'amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. Quelques-uns de la compagnie se régalèrent d'un grand éclat de rire. Ainsi, peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde. Mais j'eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler avaient été de cette opinion, je ne les obligeais qu'à rire de plus belle. Cette pensée, cependant, dont la hardiesse biaisait à mon humeur, affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez moi que, pendant tout le reste du chemin, je demeurai gros de 1000 définitions de lune dont je ne pouvais accoucher. De force qu'à force d'appuyer cette croyance burlesque par des raisonnements presque sérieux, il s'en fallait peu que je n'y déferrasse déjà, quand le miracle ou l'accident, la providence, la fortune, ou peut-être ce qu'on nommera vision, fiction, chimère ou folie si l'on veut, me fournit l'occasion qui m'engagea à ce discours. Étant arrivé chez moi, je montai dans mon cabinet où je trouvai sur la table un livre ouvert que je n'y avais point mis. C'était celui de Cardan. Et quoique je n'eus pas dessein d'y lire, je tombai de la vue, comme par force, justement sur une histoire de ce philosophe qui dit qu'étudiant un soir à la chandelle, il aperçut entrer, au travers des portes fermées, deux grands vieillards, lesquels, après beaucoup d'interrogations qu'il leur fit, répondirent qu'ils étaient habitants de la Lune, et en même temps, disparurent. Je demeurai si surpris, tant de voir un livre qui s'était apporté là tout seul, que du temps et de la feuille où ils s'étaient rencontrés ouverts, que je pris toute cette enchaînure d'incidents pour une inspiration de faire connaître aux hommes que la Lune est un monde. « Quoi, disais-je, en moi-même. Après avoir tout aujourd'hui parlé d'une chose, un livre qui est peut-être le seul au monde où cette manière se traite si particulièrement, vole de ma bibliothèque sur ma table, devenir capable de raison pour s'ouvrir justement à l'endroit d'une aventure si merveilleuse, entraîner mes yeux dessus comme par force et fournir ensuite à ma fantaisie les réflexions et à ma volonté les dessins que je fais. Sans doute, continuai-je, les deux vieillards qui m'apparurent à ce grand homme sont ceux-là même qui ont dérangé mon livre et qui l'ont ouvert sur cette page pour s'épargner la peine de me faire la harangue qu'ils ont faite à Cardan. Mais, ajoutai-je, je ne saurais éclaircir de ce doute si je ne monte jusque-là. Et pourquoi non ? Me répondais-je aussitôt. Prométhée fut bien autrefois au ciel dérobé du feu. Suis-je moins hardi que lui ? Et ai-je lieu de n'en pas espérer un succès aussi favorable ? Et à partir de là, je ne vous passe les détails, mais Cyrano nous raconte au fur et à mesure des pages tous les détails qu'il a mis en œuvre, tous les petits moyens techniques, tous plus fantaisistes et pourris les uns que les autres, mais qui font bien rire, c'est une histoire comique après tout, des petits détails techniques qu'il utilise pour aller, pour monter jusqu'à la Lune. À l'époque, on n'avait pas encore inventé les fusées interstellaires. Voilà. Et donc, alors, c'est qu'il, par exemple, il utilise le fait que la rosée monte au ciel le matin. Il met de l'eau dans des bouteilles autour de sa taille et puis il attend comme ça de monter jusqu'à l'éther et donc jusqu'à la Lune en utilisant la force qui aspire la rosée vers le ciel, etc., etc. Il est fait allusion de tout ça dans le texte de Edmond Rostand. Il en est fait allusion de manière beaucoup plus brève dans le film de Rapeneau et voilà, donc c'est considéré comme une des premières allusions à la science-fiction dans la littérature mondiale. Il y a eu quelques précédents, mais vraiment c'est un des textes les plus approfondis, en tout cas pour l'époque. Après, on a eu Voltaire qui a écrit Micro-Méga, on a eu le 18e siècle avec Jules Verne notamment, mais je pense que Jules Verne, peut-être qu'il n'aurait pas inventé son histoire de la Terre à la Lune qui a si bien été adaptée par Méliès, et son histoire donc de fusée de propulsion quoi, avec ce raisonnement scientifique peut-être un peu biaisé, mais finalement plausible, si Cyrano de Bergerac, 200 ans plus tôt, n'y avait pas réfléchi lui-même. Voilà pour nous mettre en bouche pour cette émission. Alors, moi, je dois dire quand même que la lecture est à applaudir, parce que ce n'est pas facile comme exercice, hein, la lecture au micro, comme ça. Et puis surtout, moi qui ne connais pas... qui ne connais pas l'ouvrage, j'espère que vous serez tous comme moi, que vous aurez envie de le lire. Tu ne nous as pas dit si c'était encore... On peut encore se le procurer, on doit pouvoir se le procurer. On arrive chez n'importe quel bon libraire avec... les références. Alors, je ne sais pas s'il est à la médiathèque Secano à Avignon. Il y a des écrits de Cyrano de Bergerac à Avignon. Cyrano de Bergerac, le vrai. Le vrai. Le vrai, hein, parce qu'on ne parle pas d'Edmond Rostand et de son Cyrano à lui. Hein. Et sinon, c'est sur Wikisource, un site affilié à Wikipédia, sur lequel on retrouve des textes tombés dans le domaine public, ce qui est le cas notamment de cette histoire. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, moi beaucoup, parce que c'est vraiment un auteur que je ne connais pas et que je vais avoir le plaisir de découvrir prochainement dans mon salon. Alors, on va aller vers des styles un petit peu différents, mais on va rester à peu près dans la même époque. Et je te propose, si tu veux bien, si tu es d'accord, qu'on fasse une petite pause musicale pour nous mettre dans l'ambiance. Et puisqu'on va parler d'histoire de marin, je vous dis qu'on va rester à la même époque parce qu'on va rester au XVIIe siècle, mais on va aller dans les Antilles avec les flibustiers. Et pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, eh bien, je vous propose un chant de marin, en l'occurrence une chanson des naufragés, un chant traditionnel, le corsaire, le grand coureur. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il se met en croisière pour aller battre l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars, gay, allons les gars, gaiement. Il est parti de l'Orient avec belle-mère et bon vent. Il cinglait pas bord à mur, naviguant comme un poisson. Un grain tombe sur la mâture, voilà le corsaire en ponton. Allons les gars, gay, allons les gars, gaiement. Il nous fallut remater et diablement bourlinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence amantelé de sabord. Allons les gars, gay, allons les gars, gaiement. C'était un anglais vraiment à double rangée dedans. Un marchand de mort subite, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangeons à l'honneur. Allons les gars, gay. En fume à nos braves matelots. Nous voilà pris dans la brume. Nous échappons aussitôt. Allons les gars du vent. Allons les gars du vent. Pour nous refaire des combats, nous avions Du vin, du rac, de la bière, et nous serons tous contents. Du vin, du rac, de la bière, et nous serons tous contents. Allons les gars. Le Corsaire, le grand coureur, une chanson des Naufragés, en tout cas une chanson qui avait été reprise par les Naufragés, ce groupe de Montpellier qui a beaucoup tourné dans toute la France dans les années 90, que j'avais adoré à l'époque, et qui reprenait cette chanson dont je ne connais même pas l'origine. C'est vaguement une chanson traditionnelle, une chanson de marin dont on a une belle tradition en France. Le Corsaire, le grand coureur, à l'époque où tous les corsaires sur toutes les mers du globe se tiraient la bourre entre Français, Anglais, Hollandais et j'en passe, et les Espagnols bien sûr. Et justement, c'est des galions espagnols qui se font régulièrement piller par les frères de la côte français, en l'occurrence dont je vais vous parler ce soir. Puisque je vous disais qu'on va rester au XVIIe siècle, le grand siècle français, celui aussi où on courait les mers et notamment on faisait grande concurrence avec les deux puissances de l'époque, les Espagnols, qui avaient leur colonie au Nouveau Monde, et les Anglais. Eh bien, il y avait une île qui était une possession française à l'époque, c'était l'île de la Tortue, au nord de l'île d'Haïti, qu'on appelait à l'époque Saint-Domingue, et une île qui était vraiment placée de manière assez stratégique parce qu'elle était vraiment sur la route des vaisseaux espagnols quand ils revenaient des colonies du Mexique, chargés d'or et de produits précieux, et qu'ils allaient vers la métropole, c'est-à-dire le royaume d'Espagne. Et donc là, ils étaient bons à prendre, et il y avait des tas de corsaires qui avaient donc des lettres de marque de Louis XIV, on est dans les années 1670, tout ça, et donc Louis XIV faisait la guerre à toute l'Europe, et les corsaires pouvaient, le plus légalement du monde, faire la guerre et prendre des galions de nations ennemies, et ils s'en privaient pas, bien entendu. Alors la différence entre les corsaires et les pirates. Je me suis renseignée. Les corsaires avaient les lettres de marque. Ça leur évitait d'être pendus haut et court, comme les pirates. Alors, il y a eu. Je me suis renseignée quand même. Hein. Tu m'as parlé de ton programme. Donc, les flibustiers, les corsaires, les pirates, les contrebandiers, les forbans. Plus personne n'a de secret pour moi. Bien joué. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, notamment les films de pirates. On a les classiques avec les Rolf Lynn dans les années 50, tout ça. Et puis c'est beaucoup revenu à la mode ces dernières années avec Johnny Depp, notamment, qui incarnait des rôles comme ça à l'écran. Et c'est vrai que c'est une période vraiment avec des personnages, beaucoup de personnages truculents. Je pense à Barberousse, tout ça. Et Jean Bart, plus près de chez nous. Oui. Et puis un petit peu plus tard, c'était au 19e siècle. Par contre, moi qui viens de qui suis breton et qui est d'origine bretonne et qui a un petit peu étudié les corsaires de là-bas, c'est vrai qu'il y avait aussi Surcouf qui avait eu ce mot magnifique le jour où il avait capturé un navire anglais. Le commandant du navire anglais lui avait dit vous les Français, vous vous battez pour l'argent, nous autres Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Et Surcouf de lui répondre que voulez-vous mon vieux, chacun se bat pour ce qui lui manque. Voilà. Surcouf. Magnifique, voilà. Donc j'adore cette manière de répondre du tac au tac. Et là, donc, c'est un personnage beaucoup moins connu dont je vais vous parler ce soir. C'était le capitaine Le Goliffe. Louis Adhémar Timothée Le Goliffe, qu'on nommait du sobriquet de Borgnefesse. Pourquoi ? Parce que quand il était jeune, il y a un boulet de canon qui avait ricoché sur un. Alors qu'il montait à l'assaut, qui avait ricoché sur un rocher derrière lui et qui lui avait emporté, dans le texte, le gras de la fesse gauche. Et résultat, il avait une déformation du popotin qui fait que ses frères de la côte l'appelaient Borgnefesse. Vous comprenez pourquoi ? Et donc, c'était un capitaine de la flibuste. Donc, la flibuste, comme tu viens de le rappeler, c'était vraiment les corsaires des Antilles au XVIIe siècle. Donc, c'est vraiment un cadre très particulier qui se prête au récit d'aventure. Et c'est justement un récit d'aventure, en l'occurrence une autobiographie, puisque cet homme-là a rédigé ses mémoires sur la fin de sa vie. Comme pas mal de corsaires qui ont couru les mers et qui ont vécu des situations très dangereuses, le mec, il est mort dans son lit, tant mieux pour lui. Alors, c'est un bouquin qui a été retrouvé de manière un petit peu inédite, parce qu'il a été retrouvé dans les ruines de Saint-Malo en 1945. Oui, j'ai lu ça. Ah ouais, j'ai lu ça, oui, j'ai lu ça aussi. Je me suis renseignée, je te dis. Donc oui, j'ai effectivement lu ça. Comme quoi, c'est Saint-Malo fait partie des villes qui ont vraiment été réduites en cendres, quasiment comme Caen, Lorient et Brest, qui ont beaucoup souffert des bombardements américains pendant la dernière guerre, de sorte que la ville est encore très belle aujourd'hui. Hein. Oui. Il faut savoir qu'elle a été totalement reconstruite en pierre de taille, certes, mais reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans les ruines, on a retrouvé un texte qui avait été oublié là, et dans une cave, et qui avait miraculeusement survécu. Et c'était donc les mémoires de cet homme-là, dont l'histoire n'a pas gardé trace, On se souvient plus à l'époque des corsaires comme Jean Bart, qui lui opérait dans la mer du Nord contre les navires hollandais. Et puis bon, les flibustiers qui étaient plus loin peut-être ont plus de mal à avoir des titres de noblesse notamment. Quoi qu'il en soit, tiens, pour vous donner un petit peu un exemple de la verve de cet homme-là, je vais vous raconter le premier. Je vais vous lire un petit passage de l'introduction quand il parle de son enfance. Comment et pourquoi je partis aux îles de l'Amérique ? On sera peut-être étonné qu'un capitaine de la flibuste, homme plutôt d'épée que de plume, ait consenti à enfanter un gros grimoire et à le barbouiller d'encre plusieurs forts carriers. On le sera moins lorsque j'aurai dit, en mon jeune âge, avant de courir l'aventure sur les mers, j'ai d'abord étudié pour être d'église. Mes parents, qui nourrissaient pour moi cette ambition, me mirent en le cours de ma 12e année au petit séminaire. Mais lorsque me vint la puberté, mon penchant pour le sexe me conduit à sauter souvent de fois le mur, ce qui, étant su, ne manqua pas de faire quelques bruits. On prétendit alors m'enfermer. Mais il n'est si épaisse et si vert prison dont un garnement de mon espèce ne parvienne à s'échapper. En bref, il advint que je fis un enfant à la fille d'une lingère du voisinage et monseigneur l'évêque voulut voir là que le signe de ma vocation ecclésiastique n'était pas aussi certaine qu'on le pouvait désirer. Voilà. Ça m'a l'air très, très truculent quand même comme récit. Ah mais alors il y a des histoires de bataille et des histoires de cul en veux-tu en voilà. J'ai dit les choses très franchement. Et, oui. Et bon, en même temps, il n'y a pas que ça. Hein, parce que le mec, c'était comme il le laisse entendre là, c'est pas qu'un bourrin. Quoi. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie l'épée à la main. Mais il est très, très content aussi de raconter. Il enjolive sans doute un petit peu les choses. Mais il est aussi, au soir de sa vie, il a l'air très content de raconter ses histoires galantes, bien entendu. Mais là, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. En l'occurrence, la jette au capitaine Le Goliff. Mais il ne raconte pas que ça. Il y a aussi des histoires de fantômes. Parce que, comme beaucoup de gens de l'époque, il était très superstitieux, tout en étant très catholique, il va comprendre. Il y a des histoires de fantômes, il y a des histoires de prise d'otages, parce que les corsaires de l'époque ne faisaient pas que des abordages en pleine mer. Et souvent aussi, ils attaquaient avec leurs troupes des villes côtières, espagnoles en l'occurrence, et sur l'île de Cuba, sur l'île d'Haïti, la partie est de Saint-Domingue était une possession espagnole. Et donc voilà, il y a d'autres scènes en fait, il n'y a pas que des histoires de baston ou des histoires de cul. Et malgré tout, hein, j'ai quand même décidé de vous raconter une histoire un petit peu grivoise, qui en même temps est assez truculente. Fais-nous plaisir. Et qui moi m'a fait beaucoup rire. Alors ça va être un petit peu long, mais ça va être un petit peu drôle aussi, je vous prie de le croire. Comment je fis cocu l'alcade major de Cucuba ? C'est le titre, ça annonce la couleur. Lorsque nous prîmes Cucuba, qui est un gros bourg proche de la ville de Caracas, m'advint plaisante aventure que je ne veux pas omettre de narrer. Les habitants n'eurent point le loisir de faire résistance et il ne fut pas lâché un coup de fusil. Aucun ne nous put échapper pour ce que, avisant par surprise et de nuit, le jour levant, toutes les issues étaient gardées par nous. Je fus aussitôt à la maison de l'alcade major, donc c'était le gouverneur, je fus aussitôt à la maison de l'alcade major que je trouvai au seau du lit où il était avec sa femme, qui était belle. Une fois qu'il fut revenu de sa surprise, n'ayant eu ni le temps ni, je crois, le goût de faire quelque défense, et après qu'il fut habillé, je fis à ce personnage un bref discours par lequel je l'avisai qu'il n'était pas dans nos intentions de faire les cruels, et que je me contenterais de tenir enfermés dans l'église tous les mâles de sa ville, jusqu'à ce que soient apportés avant le lendemain au soir 3000 ducats d'or en rançon de la liberté, faute de quoi je me verrais dans l'obligation de mettre Cucuba rapier à terre par le feu. Ayant longuement débattu, je ramenai ma prétention à 2000 ducats d'or, ce qui était bien modeste et raisonnable. Après quoi, je l'envoyai sous bonne garde à l'église y rejoindre les autres habitants, que les gens de ma troupe cueillaient un à un et le plus aisément du monde en leur logis, et afin qu'en sa qualité d'alcade major, il s'entende avec eux et le padre pour que cette somme me fût portée avant le délai que j'ai dit. S'étant enquis de ce qu'il adviendrait de ces dames, je l'assurai que nous étions gens d'honneur et que nulle violence ne leur serait faite. Ainsi débarrassé du mari, et me reposant sur mes lieutenants de la bonne exécution de mes ordres, je m'occupai de la señora que j'eus le plaisir de trouver disposée à faire l'aimable et l'obligeante. L'ayant priée de me montrer ses bijoux, elle me porta de bonne grâce un coffre où j'en vis de fort beau. Me voulant sans doute à m'adouer, elle me demanda ensuite, et le plus honnêtement du monde, que je voulusse bien lui faire le plaisir de partager son repas. Je ne crus point lui vouloir refuser, et nous dînâmes, fort agréablement, de mets et vins délectables fort bien servis par ses négresses domestiques. Avant la fin, profitant d'un moment où nous étions seuls et où nul ne pouvait entendre, j'osais lui confesser qu'elle était de mon goût. J'avais observé qu'elle avait le pied tout étroit et mignon, ce qui permet d'espérer, comme on le sait, trouver autre chose de même. J'étais pour l'heure encore jeune et fort avenant, tant de visage que de corps, et elle me voulut bien répondre que je ne lui déplaisais point, Elle fit pourtant l'objection que son mari était fort jaloux, comme le sont tous les Espagnols, et que s'il arrivait à apprendre qu'elle avait répondu à mes sentiments, il était dans le cas d'en venir à la tuer. D'autre part, je lui avouais qu'il m'a toujours grandement répugné d'user de côté les feintises, aussi bien en amour comme ailleurs, et de faire le rampant dans la nuit pour jouir en secret des faveurs d'une belle. Ce sont là choses qu'il faut laisser au freluquet des villes, indigne d'un vrai et loyal homme de guerre, qui, ne devant rien craindre, se doit de ne rien dissimuler et tout faire au grand jour, là comme ailleurs, quoi qu'il en puisse déplaire au mari et autres cocus. J'ajoutais qu'étant homme d'envergure et de beaucoup d'occupations, donc le mec il se prend vraiment pas pour une mère d'occupation, là il ne m'était point aisé de dissimuler quoi que ce fût de mes allées et venues à la curiosité qui s'attache toujours au pas d'un personnage d'importance. Je ne voulais point cependant la mettre en danger d'être immolée par le cocu, sitôt que je serais parti, en sorte que nous étions tous deux fort empêchés de trouver le moyen d'arriver à nos fins. Ce fut elle qui nous tira d'embarras. On va voir par ce qui suit combien les femmes sont pourvues de génie et d'invention lorsqu'il s'agit de satisfaire le penchant que leur a donné la nature. Ouais, tu peux le dire, c'est un macho. Elle commença par me laisser entendre que n'étant point sans religion, elle verrait gros péché pour elle d'aller au-devant de mes désirs. Mais que si je me résolvais à utiliser la violence, elle sentait bien qu'elle aurait grande difficulté à ne point se laisser à me pardonner. Elle ajouta que si son mari ne pouvait manquer d'éprouver grande et redoutable fureur venant à apprendre qu'elle avait fait l'amour avec moi de son plein gré, il n'en irait point de même s'il pouvait être convaincu que j'avais usé de la force pour ce qu'alors elle ne pourrait point être tenue pour avoir été adultère, et elle ne serait plutôt que touchante et pitoyable victime de l'ordurière bestialité masculine. Et elle se faisait forte par la suite d'arranger les choses avec un fin désespoir, accompagnée d'un fleuve de larmes. Elle ajouta que son mari se faisait des aventuriers une idée si noire qu'il n'y aurait aucune difficulté à lui faire à croire que je m'étais conduit envers elle comme un porc, et pour lors sa colère se porterait tout uniquement sur moi, ce qui demeurerait sans conséquence car je serais déjà loin et hors de ses atteintes. Pour lui faire avaler cette fable, il n'était que de jouer auprès des esclaves domestiques la comédie de la violence, et il ne nous restait qu'à nous montrer bons baladins de théâtre. Ainsi fut décidé, et nous nous distribuâmes les rôles. Il fut convenu que je m'introduirais chez elle à la nuit, tout comme un butor embrasé de paillardise, et que je trouverais pour la vraisemblance la grande porte fermée, mais elle n'était point dans l'embarras pour moi pour ce qui est de la faire céder, que cela ferait du bruit et réveillerait les négresses qui, étant sans armes ni courage, ne me pourraient empêcher de monter à la chambre dont le verrou de porte ne serait point tiré, que je n'aurais qu'à entrer et le fermer derrière moi, qu'elle ferait pour leur grande clameur, cri, appel et sanglots déchirants, tout cela pour le semblant, et que nous pourrions, à ce prix, être heureux toute la nuit sans qu'on pût lui reprocher par la suite d'avoir été complaisante à mon ardeur et de s'être livrée de plein gré au péché. La pièce ainsi montée, il ne restait qu'à la jouer. Je la quittai toute l'après-dînée afin de pourvoir aux numéreuses choses dont se doit occuper celui qui commande en une ville conquise. Je revins dès la nuit tombée à la maison de l'alcade major, suivi de mon nègre domestique et de quatre frères de la côte qui m'étaient dévoués et que je pris avec moi par prudence, tant comme garde du corps que pour m'aider à ouvrir la porte par la force. Comme je l'attendais, je la trouvai bien close, et personne ne répondit à nos coups de heurtoir, si bien qu'il nous l'a fallu enfoncer, ce qui fut assez tôt fait, après avoir fait sauter lui à coups de fusil. Nous trouvâmes derrière quelques négresses épouvantées qui s'enfuirent comme moineaux, hormis la plus grosse et vieille qui prétendit me barrer la route. Je sus par la suite qu'elle était la nourrice de la belle. Elle était tant attachée à sa maîtresse et si bien dupe de notre jeu qu'elle s'accrocha à moi lorsqu'elle vit que je m'apprêtais à monter à l'étage et criait qu'il me la faudrait tuer avant que d'aller plus loin, et faisait mille désespérées supplications invoquant tour à tour ou tout à la fois la Sainte Madone et Saint Jacques de Compostelle à la venir aider pour défendre l'honneur de la Seigneur. Ayant dit à mes hommes de m'attendre là, ce ne fut point petite affaire que de passer outre et gravir les degrés avec cette pesante bougresse qui s'agrippait à mes chausses et me voulait mordre et griffer. Lorsque j'ouvris la porte de la chambre, la belle m'attendait en son lit, et elle commença à jouer son rôle et à lancer les hauts cris. La vieille était entrée avec moi, et je dus m'en défaire avec mes pieds et mes poings, et l'ayant enfin jetée dehors, je fermai la porte au verrou, la laissant frapper un ventail, et larmoyai derrière tout son soûl. Cependant que ma prétendue victime continuait d'appeler à l'aide avec des sanglots bien déchirants. Je me dévêtis promptement, et une fois à l'état de nature, je m'élançai pour l'amoureux assaut avec fougue si belle que je l'en vis toute surprise, et je ne suis point certain que les véhémentes clameurs qu'elle jeta pour lors eussent été entièrement de comédie. Quoi qu'il en soit, je fus si vite en la place, et j'y œuvrai si vaillamment et si bien, qu'elle ne fit bientôt plus que gémissement aussi doux que roucoulement de colombe, et qui n'était point de douleur. Ce n'est que... voilà. Après nombreux régals variés et divers, nous fîmes les ablutions nécessaires et prîmes quelques repos. et nous nous restaurâmes de quelques fruits, confitures et liqueurs qu'elle avait eu la précaution de tenir préparés en une armoire. Elle avait là une marmelade d'amandes de cacao confit qui était de sa fabrication, dont je me régalais avec délice. C'est peut-être l'ancêtre du Nutella, va savoir. Nous égayâmes cette collation de joyeux propos et amoureux de vie. Ayant cru lui devoir dire combien je la trouvais belle, elle me répliqua que plus de 100 soupirants et galants lui ayant assuré avant moi, ce compliment n'avait point pour elle le mérite de la nouveauté et qu'il serait mieux que je trouvasse autre chose. Je crus bien faire pour lors de lui dire combien je pensais qu'elle avait d'esprit, ce à quoi elle répondit qu'il en était de même pour ce chapitre et que la réputation qu'on lui avait faite sur ce point était pour elle bien lassante, car elle se voyait dans l'obligation de se toujours fatiguer la cervelle pour trouver la meilleure répartie, afin de justifier cette renommée. Elle me pria de bien vouloir la tenir pour sotte, m'assurant que cela lui serait inaccoutumé et que l'imprévu et la surprise ont autant d'efficacité à l'amour que la guerre. Je crus nécessaire par civilité de faire quelques réserves, mais elle y mit tant d'insistance qu'il y eut de la mauvaise grâce de ma part à ne point répondre à son désir. Et, l'ayant fait, elle m'en remercia bien fort, disant combien elle trouvait à cela de l'agrément et du repos, ne se voyant plus contrainte à faire l'effort de la tête pour me répartir, et elle m'embrassa avec grande effusion, m'assurant que la tête avait peu de place dans les choses de l'amour, tout se passant aux alentours du cœur. Je dus reconnaître là l'expression de la vérité et fis le jugement qu'elle montrait bien de l'esprit à vouloir mettre ce dernier en sommeil en une affaire où il n'a pas grand-chose à voir. J'étais sur l'instant tant coiffé d'elle que je lui fis proposition de partir avec moi. Et donc là, il raconte un petit peu comment il était tant amoureux qu'il propose à la belle de la rejoindre. Et puis bon, elle refuse parce que sa situation ne lui permet pas. Et il philosophe un peu en se disant qu'effectivement, après, dans sa vie, ça aurait été plutôt un meuble inutile qu'autre chose. En tous les cas, moi, je trouve que c'est délicieusement érotique. Et puis, il s'est amené jusqu'au paroxysme, là, tu vois. C'est bien amené. Moi, je trouve ça délicieux. J'aime beaucoup cette écriture. Et on ne sait pas si ça a été... C'est les écrits tels qu'on les a retrouvés. Alors, c'est les écrits tels qu'on les a retrouvés. Il n'y a rien de retouché, rien de remanié. Il y a eu quelques retouches quand même. Eh bien, tiens, justement, j'y viens. Effectivement, il y a quelques détails dans l'amoureux assaut qui vient de décrire, qui sont un petit peu censurés, en tout cas, qui ont été censurés dans les années 50, date où la première édition a été publiée. Mais bon, j'en eus quelques dépits, donc quand elle dit qu'elle refuse de le suivre, qu'elle sut dissiper par caresses, frôlements, attouchements, et elle m'entraîna vers le lit, où, une fois m'ayant remis en émoi, cette bacchante se mit en selle avec toute la prestesse et l'habileté d'une parfaite amazone. Peu après, ce fut moi qui fit le cavalier, et reprit l'attaque, et sut me montrer tant courageux et gaillard que je la mis dans le cadre de demander bientôt quartier, après quoi elle s'endormit de douce fatigue en mes bras. Au jour levé, n'est-ce pas ? Au jour levé, après une ultime chevauchée, nous nous séparâmes bien contents l'un de l'autre, quoique fort contristés par la pensée que cette délétaque de nuit était la seule que la Providence voulut nous accorder. C'est autobiographique. Je pense que le mec, il enjolive un peu quand même. Peut-être un peu exagéré. Elle me fit confidence qu'elle avait observé, dès m'ayant vu, que j'avais les pieds fort grands, et elle en avait pris l'idée de s'assurer que, si l'on dit vrai, lorsqu'on avance, qu'il y a proportion entre les pieds des hommes et l'outil qui leur sert à rendre les femmes heureuses. Et elle me confessa ce que, sur mon compte, elle n'en était point trompée. Je lui répliquai que j'avais fait la veille même observation, sitôt vu son petit soulier, et que je n'avais pas été leurré. Je la tins quitte de ses bijoux, encore qu'elle eût à son doigt une bague montée d'une émeraude qui est la plus grosse que j'ai vue de ma vie, mais on conviendra qu'il n'eût point été délicat de ma part de la lui enlever. Je la laissai dans le lit, les seins à l'air et la chemise déchirée, pour la mise en scène. Après toilette faite, m'étant revêtue et ayant rechargé mes pistolets, je pris congé d'elle après beaucoup d'embrassades, et lorsque je descendis les degrés, je l'entendis qui reprenait ses sanglots. Et je ne suis pas loin de croire qu'il n'était qu'à demi simulé et que le chagrin qu'elle ne pouvait manquer de ressentir à la pensée de ne me plus jamais voir n'y fut pour quelque chose. Je trouvai en bas mes gens endormis et passablement ivres, si bien que je les dus réveiller avec quelques coups de pied au cul. Lorsqu'ils furent debout, j'allai avec eux à l'église pour m'enquérir de la rançon, et je vis le padre qui m'assura qu'elle me serait portée avant le midi, ce qui fut fait. N'ayant pour lors plus rien à faire dans Koukouba, nous prîmes nos dispositions pour le départ qui se fit peu d'heures plus tard, et ce n'est qu'au dernier instant que nous donnâmes la liberté à nos prisonniers. Comme le chemin que nous avions à prendre pour aller vers Karak passait devant la demeure de ma belle, je fis ranger ma troupe en bon ordre. Elle se montait à 135. Je marchai premier, comme de juste, avec mes pistolets de ceinture, belles bottes à chaudron, chapeau à plumes et épée aux côtés. Derrière moi, je mis mes deux tambours en leur disant d'avoir roulé très fortement. Puis venait le trompette, qui n'était là que pour le décor, le bougre étant incapable de souffler dans son instrument sans écorcher les oreilles. Venaient ensuite mes gens, dont l'accoutrement était à la vérité bien fort dépareillé, mais la plupart ne me manquaient point cependant d'avoir l'aspect grandement martial. Et pour finir, suivez 23 baudets que nous avions pris avec nous pour porter le bagage. Lorsque nous passâmes sous les fenêtres de ma dulcinée, je les trouvais closes. Les tambours derrière moi faisaient le bruit du tonnerre et je ne manquais pas de marcher le plus fièrement et le plus magnifiquement que je pus pour le cas où elle me verrait une dernière fois à la dérobée, cachée derrière les rideaux, et que par là, elle conserva de moi le souvenir d'un beau capitaine qui avait su se montrer aussi vaillant et valeureux au combat de l'amour qu'à ceux de la guerre. C'est très beau. Voilà. C'est très très beau. On aimerait bien que, messieurs, si vous pouvez utiliser votre plume, la reprendre un peu, nous écrire des jolies choses comme ça. Qui ferait ça aujourd'hui ? Bon, en même temps, il faut reconnaître, quelques pages plus loin, il parle d'une autre aventure qu'il a eue, mais qui ne l'a pas touché autant que celle-ci, où il a une figure que je trouve magnifique. Il dit on me pardonnera d'utiliser des figures pour me faire comprendre, mais cette dame était très, très expérimentée dans les matières de l'amour. Et pour faire une comparaison, il n'est de maître coq aux îles des Caraïbes, il n'est de maître coq qui ne sache accommoder les figues longues, c'est-à-dire les bananes, d'un nombre infini de manières, et je vis que ma belle était experte en ce genre de cuisine. Tu vois, donc c'est joliment dit. Ouais, c'est très joliment dit pour dire quelque chose d'un petit peu scabreux, hein, n'est-ce pas? Pratique. Oui, des choses pratiques sous la couette, effectivement, voilà. Mais bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des termes qui nous choquent quand ils parlent de nègres. C'est même pas méprisant, en fait. Mais c'est non, juste des serviteurs et c'est leur rôle, quoi. Voilà. Le côté aussi très macho. Alors, en plus, en ce moment, on a un scandale dans les actualités. On a un scandale par rapport aux hommes politiques qui mettent des mains au cul de leurs collègues, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des aspects dans cette lecture qui nous choquent un peu. Puis, en même temps, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. C'est ce que j'allais dire. C'est à remettre, effectivement, dans le contexte de son époque. On n'est pas au 21e siècle. Hein. Voilà. Donc voilà, ce bouquin m'avait bien fait rigoler. Il y a quand même quelques petits détails à connaître dessus, mais pour les curieux, je ne le dirai pas ce soir, je les mettrai sur le Facebook de l'émission Entre les lignes que tu mets à jour régulièrement. Avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je propose qu'on fasse une pause musicale et comme le temps passe très vite, qu'on ne va pas avoir le temps de parler de l'espoir d'André Malraux dont j'aurais voulu parler ce soir, mais bon, c'est une lecture peut-être qui vous êtes plus familière, chers amis. Oui. Donc, je vais zapper ça et on va aller directement vers Lovecraft. Lovecraft, un auteur, on va écouter notamment un extrait d'un morceau de Metallica qui s'appelle The Call of Cthulhu. Cthulhu, donc, qui est un dieu du panthéon imaginaire de l'auteur fantastique américain Howard Philip Lovecraft, dont on va parler tout à l'heure, avec donc The Call of Cthulhu, qui est le nom d'une de ses nouvelles les plus célèbres. Moi, je vais vous parler d'une autre de ses nouvelles qui m'avait vraiment fait forte impression. C'est l'affaire Charles Dexter Ward, qui est en fait l'histoire d'un c'est une histoire fantastique, en fait. Ça part d'une situation réelle. Oui, c'est assez flippant. Et en fait, ça part comme toute nouvelle fantastique, notamment celle écrite par Guy de Maupassant, Prosper Mérimée, tout ça au XIXe siècle. Ça part d'une situation de la vie de tous les jours, la vie réelle, etc. Puis peu à peu, par certains détails, ça devient bizarre. Et au bout d'un moment, avec Lovecraft, ça devient même carrément glauque. Et donc Lovecraft avait ce génie-là. C'est un petit peu pour la littérature fantastique américaine du XXe siècle, ce qu'Edgar Allan Poe pour le XIXe siècle. Ouais, bah, tout à fait, la comparaison est pertinente. On est bien d'accord, tout le monde l'a fait d'ailleurs. Et je vous propose quelques notes de musique par Metallica avant de venir à cette heure. De Charles, l'œuvre de l'affaire Charles Dexter Ward par Howard Philip Lovecraft. We'll be right back. The Call of Cthulhu par un extrait de Metallica, un morceau qui est sorti en 82-84 dans ces eaux-là. À l'époque, c'était sur leur deuxième album. Donc, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Si vous nous rejoignez, c'est ma collègue Laurence qui anime Entre les lignes avec Stéphane. Qui anime Entre les lignes et sa avec sélection Stéphane, littéraire. Mais qui laisse Stéphane parler beaucoup plus mais que Laurence pour le coup. C'est ton micro. Hein. Après tout, tu nous as fait ta sélection littéraire, donc c'est bien normal que ce soit toi qui parles. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu le match retour hein, par rapport à l'émission croisée qu'on avait faite dans l'heure du loup où tu étais venu présenter ta sélection musicale. Je m'invite dans Entre les lignes et je présente ma sélection littéraire. Alors, on arrive vers la fin de l'émission. Évidemment, j'ai dû faire des coupes dans les bouquins dont j'aurais aimé vous parler. Donc, j'aurais aimé vous parler de L'Espoir d'André Malraux. Et puis finalement, on manque un petit peu de temps, donc je vais zapper. Mais c'est un bouquin relativement connu, donc je n'ai pas de scrupules. Quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est la littérature fantastique. Alors évidemment on a tous des références, notamment en heroic fantasy, on connaît tous Tolkien notamment, qui a si bien été adapté à l'écran, on connaît tous les contes et légendes de notre enfance, les frères Grimm, Perrault, tout ça aussi c'est du fantastique en quelque sorte. Mais il y a quelque chose, vraiment la littérature fantastique gagne ses lettres de noblesse avec les histoires de vampires de la fin du XVIIIe siècle. Et du 19e siècle notamment. Et c'est au 19e siècle qu'elle acquiert qu'elle devient un style à part entière. C'est vrai que la lecture de Dracula avait été un grand moment pour moi, ainsi que la chronique des vampires d'Anne Rice. Mais là, c'est un auteur du 20e siècle. Bref, un auteur qui compte particulièrement pour moi, c'est Howard Phillips Lovecraft, dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui a donné un aspect vraiment morbide et inquiétant à la littérature fantastique du 20e siècle. Et c'est vraiment un auteur très, très particulier, quoi. Soit on accroche, soit on déteste. Et même moi qui accroche, il y a certaines de ces nouvelles qui m'ont laissé un petit peu dubitatif. Ce n'est pas le cas de celle dont je vous parlais ce soir, qui s'appelle L'affaire Charles Dexter Ward. C'est la première qu'il avait réussi à faire publier dans la presse américaine à l'époque, dans un magazine qui s'appelait Weird Tales, c'est-à-dire les contes bizarroïdes. Et donc c'était vraiment ce qu'on appelait des pulps, hein, c'est-à-dire la littérature de gare américaine. Et pourtant, on y a publié des auteurs... Des grands auteurs hein, dans les pulp fiction. Là, c'était vraiment les pulps sont à l'origine, ont permis aussi à des auteurs qui sont devenus confirmés par la suite... Ah non, les pulps, c'était pas rien. Ouais, je me souviens que tu avais déjà abordé ce sujet, notamment en parlant de littérature policière, puisqu'il y avait effectivement dans les années 30, 40, tout ça, des magazines comme ça qui s'intéressaient à des histoires policières, des detective stories. C'est notamment comme ça qu'est apparu Batman aussi, dans Detective Comics. Tout à fait, etc., c'est vrai. Etc. Bon, moi, ce soir, je vais vous parler d'un auteur voilà, qui, lui aussi, a fait ses premières armes comme ça. Et Howard Phillips Lovecraft, alors, il y aurait des tas de choses, toute une émission à consacrer à cet homme-là, parce que c'était vraiment le produit de la bourgeoisie déclassée de la côte est américaine. Il était communautariste, c'est-à-dire qu'il avait une vision communautaire de la société où le racisme est tout à fait justifié et permet de séparer les différentes, et notamment non seulement les classes sociales, mais aussi les groupes ethniques. Il avait certains aspects de sa vie et de sa personnalité qui étaient absolument détestables, et en même temps, il avait une écriture qui était absolument fascinante. Et on ressent un petit peu tous les aspects de sa personnalité. Je pense que c'est dans cette nouvelle qu'il a écrit, l'affaire Charles Dexter Ward, qu'on ressent le mieux. Il n'y est pas question de tout le panthéon des dieux imaginaires qu'il a créés et qui ont fait sa renommée. Je pense à Cthulhu, évidemment. Il n'est pas question de ces dieux antiques-là dans cette nouvelle. Mais en fait, il y est question d'un jeune homme qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, la généalogie, l'archéologie, tout ça, et qui fait des recherches sur sa propre famille et qui découvre dans son arbre généalogique, qui avait un personnage un petit peu sulfureux, à l'époque, un espèce de sorcier, en fait, de l'époque des sorcières de Salem. Vous savez, à Salem, sur la côte est des États-Unis, à l'époque où ce n'était pas encore les États-Unis, on avait brûlé des sorcières au XVIIe siècle. Et c'est vraiment quelque chose qui a hanté les Américains jusqu'à aujourd'hui. Cette Amérique très, très puritaine, et qu'on peut retrouver aussi dans le film de Tim Burton, Sleepy Hollow, notamment. Et dans Charles Dexter Ward, il parle notamment de Joseph, son ancêtre, Joseph Curven. Joseph Curven, s'il faut en croire les légendes et les rumeurs et les papiers découverts par Ward, était un homme énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour se réfugier à Providence, ce havre de tous les êtres libres, originaux et dissidents, au début de la grande persécution des sorcières. Il craignait d'être accusé de pratiquer la magie en raison de son existence solitaire et de ses expériences chimiques ou alchimiques. Devenu libre citoyen de Providence, il acheta un terrain à bâtir au bas d'Olney Street.

Je crois que notre régisseur nous fait des signes, il réclame un gâteau. Je crois que c'est, j'ai bien compris le message. Je pense surtout qu'il va falloir qu'on se sépare, avec regret. Stéphane garde la place, puisque vous le rejoignez tout de suite pour son émission « L'heure du loup ». Moi, je le remercie infiniment de sa sélection littéraire. C'est moi, c'est moi. Vraiment, parce que c'est exactement, à part Lovecraft, les deux autres, je ne les connaissais pas, mais je vais repartir avec un livre que tu me prêtes, donc c'est très gentil, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et de nous avoir amené cette sélection littéraire formidable. Merci à Abel. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Il y a plein de choses à faire à Avignon sur la fin de semaine, et puis Stéphane va vous en reparler. Il y aura du soleil, sortez, aimez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt.